sur le trottoir. C'est pas bien, il est gentil le trottoir. Mais bon. Il y en a plein des cons, mais c'est pas donné à tout le monde d'être comme nous, alors bon hein. C'est pas bien de boucher les toilettes, ça gâche tout plein le papier et ça tue les arbres, mais bon. Je fous rien de la journée et après on m'engueule, c'est vrai quoi. Et y'en a qui finissent pas leur canette de DSP, c'est du gâchis, c'est pas bien, enfin bon. Certaines personnes n'achètent pas le CD du comité mité. Je comprends pas là, hein. Mais bon. Always peace and understanding, hein. Non? Non. Non? Non. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça veut dire always peace and understanding, hein? Franchement. Y'en a qui aiment la glace à la pistache. Moi j'aime pas la glace à la pistache, mais enfin bon. Certains schtroumpfs. Mais bon. Y'en a qui disent des conneries dans les sales chansons qui prennent la tête, mais bon hein. Mais bon, always peace and another... Ah!